Maintenant, on va parler un peu de Los Arenales, peut-être. Ouais. Donc, Florian, tu habites en Espagne. Tu as été établi là, Los Arenales. C'est quoi, en fait? Bon, Los Arenales, en fait, c'était un projet. On est arrivé avec plusieurs amis de France. Et Los Arenales, ça se situe à Malaga. Donc, c'était à mi-distance entre le lieu de naissance de mon père et celui de ma mère. Mon père étant né à Extremadura, ma mère à Valencia. Et avec plusieurs amis, on est arrivé là pour monter une communauté agricole. Je ne savais pas à quel point le franquisme avait détruit toute mémoire, du moins apparemment, quoi, en apparence, et pour les descendants, ceux qui avaient vécu l'époque l'avaient gardé en mémoire, mais avec beaucoup de peur, donc la peur de parler, et puis ces peurs étaient intériorisées, elles sont encore intériorisées d'ailleurs. Et puis on a monté, donc, avant de monter le projet, on a parlé pendant 3 ans de qu'est-ce qu'on allait faire de ce lieu qu'on avait mis en commun, qu'on avait acheté en commun, donc 17 hectares qu'on avait acheté en commun avec 3 couples et puis 2 personnes. Et c'était quand? Et ça, c'était en 87. 87. Donc en 90, on se déclare, après avoir débattu et avoir lu des livres de Bookchin, eh bien, on s'est déclaré comme collectivité Los Arenales. Plus tard, ça s'appelait l'éco-aldea, l'éco-village Los Arenales. Et en fait, on a monté une association pour la connaissance et le développement de l'écologie sociale. Ah oui. Voilà. Tout de suite, donc, voilà, on s'est installé comme ça. Et puis, on ne voulait pas faire une communauté. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est un village associatif, en quelque sorte, où chaque famille avait son indépendance et décidait en commun des travaux à faire dans le collectif et dans la collectivité, et aussi les activités propres à l'écologie sociale. Donc on a intégré une fédération de groupes d'écologie qui n'était pas forcément une écologie sociale, mais ça s'appelait Ecologistas en Acción. Pendant quelques années, donc on a milité à l'intérieur de cette fédération et on a essayé de diffuser ce qu'est l'écologie sociale. C'était assez tôt, l'écologie n'était pas encore très connue à cet instant, surtout pas l'écologie sociale. Non, c'est vrai, c'était très peu connu. Ouais. C'est vrai. Mais comment ça se fait, c'était un peu connu en France ou... Moi, avant, tu habitais à France. Voilà, France. J'ai connu en fait Myung Bookchin. Moi, bon, étant mon père étant anarchiste, moi très tôt, je me suis donc j'habitais dans un petit village, donc il n'y avait aucune activité sociale ni politique de ce genre, anti-autoritaire, disons. Et moi, je me suis rapproché à la fois des anarchistes et à la fois des écologistes, parce que mon père, en fait, dans l'anarchisme espagnol, il y a une très forte consonance écologiste. Donc c'est pour ça que les idées de Bookchin, quand j'ai lu Bookchin, ça m'a fait tilt, parce que pour moi, c'était très clair qu'il y avait un parallélisme très grand entre les anarchistes espagnols et les pensées de Bookchin. Mais je suis allé à Paris, j'ai connu les anarchistes et je me suis dit, pour moi, l'anarcho-syndicalisme de la CNT à cette époque-là, pour moi, ça ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais de l'anarchisme espagnol. Il y a beaucoup de luttes internes et un anarcho-syndicalisme, en fait, qui n'était pas ancré dans les luttes réelles des gens et la préoccupation des gens. Donc ça ne me correspondait pas. Et puis un jour, je suis tombé sur le livre de Bookchin, je me dis, mais bon sang, mais c'est ça. Est-ce qu'il a été capable, justement, de faire la synthèse entre la question sociale et la question de l'écologie? C'était quel livre? C'était, pour moi, c'était Une société à refaire. Pour moi, c'est un livre qui continue à être un livre de base, parce que c'est un résumé de sa pensée, quoi, de son projet politique. Ah ouais? Ouais. Donc, c'est un livre que j'ai emmené avec moi, donc en Espagne, et ensuite j'ai essayé effectivement de me... En Espagne, c'est encore moins connu qu'en France. Ouais. Ouais. Mais par contre, il y a un livre qui a été publié plus tard avec notre aide. Nous, on a participé à faire connaître Bookchin en Espagne. On a, On a participé à l'édition du livre « L'écologie de la liberté » qui n'est pas encore traduit en français, qui va être traduit dans les mois qui suivent, certainement pour la fin de l'année 2019, mais qui n'est pas encore traduit. Et donc, voilà, nous, on a fait connaître en Espagne quand même, par l'intermédiaire des groupes libertaires, on a fait connaître, et par l'intermédiaire aussi des groupes écologistes, on a fait connaître la pensée de Murray Bookchin. Mm-hmm. Voilà. Et donc, tu es allé en Espagne, c'était après la période du franquisme. Il y avait encore un mouvement anarchiste grand après cette période ou... Ce qui s'est passé après, oui, je pense qu'il y avait un anarchisme intuitif, disons, qui avait perdu les racines. Mais par exemple, dans les paysans sans terre, en Andalousie, il est clair qu'il y avait une influence anarchiste très grande, puisque c'était l'action directe qui prédominait, les assemblées générales pour décider de ce qu'on allait faire. Donc, c'était quand même, il y avait quelque chose. Et il y avait les jeunes étaient très intéressés par cette histoire, même si elle était camouflée, même si elle était tergiversée, enfin mal interprétée par le pouvoir et toujours cachée. N'empêche que dans la scène, au début de la transition, ce qu'on appelait la transition, hein, c'est-à-dire la fin du franquisme, il y a eu des mouvements qui se réclamaient de l'anarchisme, mais sans une formation forte. Et donc c'était plus du domaine de l'intellect que du domaine de la pratique. Et c'était très superficiel. Donc le régime a eu tôt fait de s'en débarrasser. Par de la provocation, par la répression, par la provocation, par les infiltrations. En Catalogne notamment, dans la transition, il y a eu l'intervention même de Federica Montseny, donc, qui est quand même un personnage historique de la CNT. Et qui a fait un meeting multi... enfin, il y avait énormément de gens, quoi. Vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui assistaient à ce meeting. Et la CNT était quand même assez forte en Espagne. Mais il a été vite... assez vite démonté, quoi. Ils ont provoqué un attentat dans un théâtre et ils ont accusé les anarchistes de l'avoir provoqué alors que c'était la police qui l'avait fait. Donc, pour qu'ils ont criminalisé la CNT... Et malheureusement, l'anarchisme espagnol n'a pas su se renouveler. Mmh. Il est resté prisonnier de schémas qui correspondaient aux années 30, mais pas aux années 80. Ouais. Voilà, donc j'ai toujours pensé que l'anarchisme espagnol pouvait être comme un ballon d'oxygène pour le mouvement ouvrier, pour les mouvements contestataires. Or, avec le dogmatisme qui s'était installé, cet attachement tellement fort au passé, ce ballon d'oxygène, il s'est converti en boulet. Et voilà. Et pendant des années, on a eu, les partisans de l'écologie sociale et du communalisme et du municipalisme libertaire, on a eu à s'affronter à un dogmatisme très grand à l'intérieur du mouvement libertaire qui était quand même encore assez présent, quoi, et qui l'est encore. Mais ce sont toujours ces organisations traditionnalistes qui restent là, en place, mais qui n'évoluent pas. Et ouais. Qui ne correspondent pas aux problèmes actuels. Donc, effectivement, bon, les gens sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Hein, on a beaucoup plus de facilité maintenant à parler avec les libertaires qu'on ne le parlait avant. Mais faute de programmes politiques clairs, eh bien, ils n'ont pas su se renouveler. Or, je pense que, justement, les propositions de Bookchin sont plus que jamais d'actualité. Je pense qu'elles vont trouver une sortie en Espagne. Je pense qu'elles vont pouvoir bientôt se développer. Oui. Tu parles maintenant des idées communalistes. Du communalisme, voilà. Du municipalisme libertaire, voilà. Oui. Ouais. C'est tellement fort encore ce souvenir que, par exemple, des mouvements comme Ada Colau, par exemple, se présentent comme municipalistes. Bien sûr, ils n'osent pas ajouter libertaire, mais n'empêche qu'ils profitent quand même d'une certaine aura de l'anarchisme pour se projeter dans leurs propositions. Ouais. Ouais. Mais donc, tu as parlé d'une période de post-franquisme, mm-hmm. on peut dire ça. Ouais, ça. Post-franquisme, un état assez autoritaire encore. Oui. Tu crois que c'est fini maintenant, cette période ? En Espagne, il y a un gros problème. Ouais. En fait, ce qu'on appelle la transition démocratique, elle a été initiée par des franquistes, c'est-à-dire l'aile plus intelligente, disons plus libérale du franquisme, qui a compris que la fin de Franco et l'inactualité, l'inadaptation du régime franquiste aux nouvelles données internationales du capitalisme allait les plomber, allait faire imploser la société franquiste. Donc ils se sont dit, il faut absolument ouvrir. Il y a un marché commun qui est en train de se faire et on ne peut pas résister comme ça, on ne peut pas rester enquisté dans le franquisme, sinon la société va exploser. Donc c'est eux qui ont pris l'initiative pour passer à la démocratie participative, à la démocratie représentative, disons. Et donc ils sont allés frapper à la porte des socialistes, ils ont ouvert le Parti Socialiste, ils l'ont débarrassé de ses revendications, de son analyse la plus marxiste quoi qu'il y avait, et ils en ont fait un parti de la social-démocratie, totalement perméable aux idées libérales et à renoncer à l'anticapitalisme. Bon, ça fait déjà longtemps que c'était arrivé, hein. Mais n'empêche que cette initiative, donc il n'y a eu aucune opposition et aucune initiative de la part de la gauche, même le Parti communiste, sous une de ses figures les plus connues à l'époque, qui s'appelait Santiago Carrillo. Ils ont totalement accepté les propositions du franquisme éclairé pour ouvrir, s'ouvrir à la démocratie représentative et s'ouvrir au marché européen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est un marché qu'ils ont conclu, hein, la gauche et la droite, en disant, bon, on ne fait pas intervenir le peuple et on fait une pantomime de passage à la démocratie. Sauf que il n'y a eu aucun jugement qui a été fait. La transition a été bien préparée, de sorte qu'il n'y ait jamais aucun jugement possible par rapport aux crimes du franquisme, par rapport aux terres et aux propriétés qui ont été volées par les franquistes. Il y a des clauses introduites dans ce qu'on appelle la Constitution qui empêche une quelconque remise en cause et un quelconque jugement par rapport aux crimes du franquisme. Donc la page n'est pas tournée et dans l'inconscient collectif reste encore toute cette période n'est pas réglée et c'est pour ça que des tensions énormes existent actuellement dans la société espagnole et ce qu'on voit sous le nationalisme catalan, en fait, ce n'est aussi qu'une... Il y a beaucoup de haine accumulée par rapport à la Constitution espagnole parce que la Constitution espagnole est quelque chose qui est fabriqué sur l'enterrement, un enterrement renouveler des morts qu'il y a eu pendant la guerre, pendant le coup d'État de Franco, qui n'a jamais été dénoncé, et aussi surtout ceux qui sont morts pendant tout le franquisme, quoi, qui sont opposés à lui et qui ont été massacrés pendant le franquisme. Donc tous les problèmes, et énormément de problèmes qui sont en Espagne actuellement, sont sous-tendus par cette... par ce camouflage quoi et donc c'est faussé quoi, c'est assez faussé. Mmh. Il y a quelques ans on parlait aussi beaucoup en Belgique des mouvements comme les indignés. Oui. Oui. Les indignados en Espagne. Le 15e on appelait en Espagne. Ouais. Oui. Peux-tu parler un peu de ça ? Oui. Oui, c'était un mouvement très intéressant. D'ailleurs, c'est un mouvement dans la même époque à peu près qu'Occupy, hein, ou les révolutions arabes aussi, ce qu'on appelle les révolutions arabes. C'est un mouvement... on ne peut pas dire que ça soit... C'était un mouvement de classe moyenne, paupérisé, mais qui ont eu une démarche très intéressante dans ce sens où ils ont refusé l'intermédiaire des classes politiques, parce que des classes politiques, on peut parler de classes politiques en Espagne, qui sont complètement coupées du peuple, quoi, et qui ont revendiqué une action directe, c'est-à-dire une démocratie plus authentique, une démocratie directe. D'ailleurs, des mots d'ordre étaient assez significatifs. Ils ne nous représentent pas, en parlant des politiciens, et ils réclamaient vraiment une authentique démocratie. Et on voit tous ces mouvements qui, au début, étaient peu organisés, mais ils ont essayé de faire des assemblées dans lesquelles ils essayaient de décider des priorités à accorder pour certains problèmes, par exemple le problème de l'hypothèque en Espagne, qui était très important. Donc des gens se faisaient vider parce qu'ils ne pouvaient pas payer les logements qu'ils avaient achetés à cause d'une baisse de la crise qu'il y avait eu en 2008, je crois, qu'il y a eu cette crise mondiale qui fait que ces gens ne pouvaient plus payer. Donc ils étaient jetés à la porte comme des chiens, et des mouvements très importants dans les quartiers. Et lorsqu'ils se sont réunis dans les grandes places d'Espagne, au bout d'un moment, ils ont dit, pour agir vraiment, il faut qu'on décentralise notre mouvement et qu'on s'introduise dans les quartiers et qu'on travaille par commission. Donc c'était un début d'auto-organisation qui ressemblait fort à ce que Bookchin propose en fait dans le municipalisme libertaire. Mais justement, ce qui est assez symptomatique de notre époque, c'est que, en fait, ce mouvement n'ayant pas été construit suffisamment, avec suffisamment de force, et les anarchistes n'ayant aucun programme, les libertaires n'ayant aucun programme défini, aucune stratégie définie, eh bien c'était un mouvement qui, malgré tout, était faible, n'avait pas de conviction profonde, même si des mots d'ordre, effectivement, allaient beaucoup dans le sens des idées de Bookchin. Mais comme aussi, c'est un mouvement des piqueteros, par exemple, en Argentine, où ils disaient qu'ils s'en aillent tous, en parlant des politiciens. Mmh. Et ça voulait bien dire, nous, on est capable de gérer nos propres affaires, on est capable d'autogérer la vie politique. Et cependant, avec le mouvement donc de Podemos, qui a été très bien étudié, c'était stratégiquement bien étudié, eh bien, ils ont surfé sur des mots d'ordre et sur le 15e et les indignés pour présenter des revendications qu'eux-mêmes avaient formalisées à l'intérieur du 15e et par exemple des mots d'ordre comme la caste politique, ils ont utilisé ça pour se présenter aux élections européennes et faire un score suffisamment grand pour après pouvoir former un parti vraiment constitué et qui se réclamant du 15e directement. Eh bien, ils ont vidé, en fait, le mouvement des indignés dans toute l'Espagne. Ouais. Voilà. Et, par contre... Mais le mouvement des indignés, c'était aussi plutôt activiste, je crois. C'était pas vraiment un mouvement des partis politiques. Non, c'était pas des partis politiques, justement. Ouais, ça partait vraiment de... Podemos, c'est un parti politique. Oui, ça, justement, là, c'est la différence. C'est ouais. Qu'il l'a vidé de sa substance, quoi. Ouais. Le 15e, à partir du moment où Podemos a même utilisé des instances du 15e pour préparer ses élections, c'est ce qu'il appelait les cercles. Les cercles de Podemos, en fait, se sont nourris déjà de l'organisation du 15e des indignés pour présenter son programme politique. Donc, ce mouvement activiste, c'était aussi dans ta région, dans l'Andalousie ? C'était partout en Espagne. Ah ouais. Mais même, même chez moi, près de chez moi, quoi, à 15 km de chez moi, j'ai assisté, j'ai participé à des réunions. Ah ouais. Donc c'était très intéressant. Mais après, en Catalogne, par exemple, effectivement, c'est un mouvement qui a été très, très réprimé par la police. Ouais. En Catalogne, surtout, c'était très fort, quoi. Ils avaient encerclé le Parlement, et à tel point que les députés, ils ont été obligés d'entrer dans le Parlement par hélicoptère. Mmh. Mais là, la police a été très méchante. Il y a quelqu'un qui a perdu un œil, une fille qui a perdu un œil, un autre a été tué dans Barcelone même. Et à partir de ce moment-là, effectivement, là, ce sont les nationalistes plus que le parti de Pablo Iglesias, hein, de Podemos, qui a pris l'initiative de désamorcer, en fait, le 15e et monter à ce moment-là, donc il y avait évidemment beaucoup de répression, monter un récit très bien monté, hein, très bien préparé, avec une forte utilisation des moyens des médias pour reconduire le mouvement vers le nationalisme. Et donc il a vidé le 15e et a utilisé cette force de protestation, quoi, tellement puissante, il l'a utilisée dans ses rangs. Et on peut dire que maintenant, par exemple, les GDR, les groupes de défense de la République, hein, ouais, ce qu'on appelle les groupes de défense de la République, eh bien, je pense qu'ils sont nourris en grande partie par ces activistes du 15e. Mmh. Peux-je dire que toi, tu veux établir en Espagne maintenant un mouvement qui est peut-être moins activiste que 15e, mais plus théorique ? Théorique ? Je pense que c'est un moment de baisse, hein, au niveau des luttes, hein, en Espagne, mais je pense que c'est un moment aussi où, de réflexion, parce que le Podemos a perdu beaucoup de son aura, les gens en reviennent. Le problème, c'est qu'après une victoire d'un parti comme Podemos et le fait que beaucoup de gens aient été déçus, ça entraîne une démoralisation. Et c'est chaque fois pareil, on assiste à ce phénomène dans toute l'histoire, mais en Espagne, c'est pas bien particulièrement en Espagne. Lorsque les premières élections municipales ont eu lieu en 1979, dans Barcelone par exemple, le mouvement des quartiers, qui était très puissant et qui était un des mouvements qui s'est opposé le plus au franquisme, et bien, lorsque les élections sont présentées et que le Parti Socialiste a pris les meilleurs leaders du mouvement des quartiers à Barcelone, il les a vidés de leur puissance et ont même préconisé, une fois qu'ils étaient au Parti Socialiste, de ne plus faire de grève. Et bien évidemment, ça a démoralisé les gens et ça a désamorcé totalement la force que pouvaient avoir les mouvements de quartier. Et là, on peut retrouver toujours le même phénomène. On retrouve ça avec les indignés. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte et de bien avoir conscience qu'on ne peut pas construire quelque chose de puissant si on n'a pas cette dimension politique qui t'oblige à avoir, aux mouvements sociaux, d'avoir une politique propre, un projet politique qui est issu des propres mouvements sociaux et qui, la séparation entre les deux, il n'y a pas de séparation entre les mouvements sociaux et le mouvement politique. C'était tout le pari, en fait, des révolutions de 1830 en France, de 1848 et jusqu'à 1871, qu'il n'y ait pas de séparation entre le politique et le social. À partir de ce moment-là, de 1871, lorsque les communards ont été vaincus, il y a eu effectivement, avec la création du Parti Socialiste, une séparation entre les deux. Oui, tu parles maintenant de Commune de Paris. Je parle de la Commune de Paris. Oui. Ouais. Ça a influencé tes pensées Je pense que ce projet Je pense que ça a influencé la pensée de l'anarcho-syndicalisme espagnol, par exemple. Ça l'a influencé. Sauf que l'anarcho-syndicalisme espagnol, comme tous les mouvements anarcho-syndicalistes, ont refusé le politique. Et ça, c'est aussi un tort que dénonce Bookchin, parce que lui-même le disait, à partir du moment où on n'a pas de programme politique, il arrive, dans des circonstances données, finalement, d'adopter la politique des autres. Et c'est ce qui s'est passé en Espagne en 1936, lorsqu'il y a eu le coup d'État de Franco. Eh bien, les anarchistes espagnols n'ayant pas de programme politique propre, finalement, ils se sont adaptés au programme politique de la bourgeoisie et ils sont rentrés dans le gouvernement républicain de l'époque. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont perdu la partie. Okay. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est quelque chose sur laquelle il faut insister. Il faut avoir les deux. Il ne faut pas perdre ni le politique ni le social, quoi. Et ça, je pense qu'il faut toujours l'avoir bien présent. Et je pense que Bookchin a bien appris de toutes ces leçons qui ont dans l'histoire pour ne plus recommencer ses erreurs. Et justement, quand on voit les indignés, c'était une ébauche de ça. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de fini. C'est quelque chose qui avait dans les germes, qui avait quelque chose d'intéressant, mais ne trouvant pas de réponse. Parce que justement, le mouvement d'écologie sociale et les libertaires n'ont pas su encore proposer une stratégie, n'ont pas su créer un mouvement municipaliste ou communaliste capable d'adhérer, de faire adhérer des gens qui sont dans cette dimension, comme on le voit dans tous ces mouvements intéressants, quoi. Donc maintenant tu es à Liège, pour l'instant tu voyages assez fois, qu'est-ce que tu fais sur ces voyages? Moi, je pense, à Liège, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai remarqué, effectivement, qu'il y avait une soif de connaissance par rapport aux thèses de Bookchin. Lorsque j'ai présenté ici, aux mouvements sociaux, j'ai proposé une rencontre pour les troisièmes rencontres d'écologie sociale pour essayer de créer un mouvement d'écologie sociale en vue d'une création du communalisme. J'ai eu un écho assez grand et je vois beaucoup d'intérêt. Et lorsque je présente l'écologie sociale et le communalisme partout où je fais des conférences actuellement, il y a un désir vraiment très grand de connaître ces propositions-là parce que c'est la seule proposition qui reste encore debout. Toutes les autres se sont écroulées les unes après les autres. Le marxisme-léninisme n'a pas marché. Tout le reste, on voit que toutes les propositions écologistes, en fait, ne font que renforcer le capitalisme vert et on n'avance pas. On va vers l'effondrement total parce qu'on n'a pas de projet, on n'a pas de projet d'envergure. On n'a pas de projet qui sont capables de casser le moule et d'avoir un projet cohérent. Or, l'écologie sociale et le communalisme, justement, ils proposent un projet cohérent capable de sortir du capitalisme et de l'effondrement, d'éviter l'effondrement. Et qu'est-ce que tu as contre le capitalisme ? Mais écoute, le capitalisme, c'est vraiment c'est quelque chose qui arrive à détruire le capitalisme a deux contradictions, comme l'a montré Bookchin, c'est-à-dire la première contradiction, c'est la reproduction sociale, c'est-à-dire c'est un capitalisme qui détruit les liens entre les êtres humains et qui est la guerre perpétuelle. C'est les valeurs du capitalisme, c'est des valeurs de concurrence, de compétition, et aussi, non seulement ça, c'est que la deuxième contradiction du capitalisme, ça c'est la première contradiction du capitalisme, c'est-à-dire un contre tous et tous contre un, donc qui détruit les liens entre les êtres humains, et qui appauvrit les pauvres et qui enrichit les riches par la concentration du capital, qui ne fonctionne que dans un but, c'est la valorisation monétaire, donc qui ne propose pas une production de la valeur d'usage des nécessités qu'on a besoin, mais plutôt des choses que l'on produit pour la valorisation monétaire. Et l'exemple le plus grand, c'est quand même les guerres. Les guerres, ce sont ce qui est de plus destructeur, et pourtant c'est ce qui rapporte le plus au capitalisme. Donc c'est un moteur essentiel pour le capitalisme. Et deuxièmement, la deuxième contradiction du capitalisme, c'est justement qu'il détruit les bases sur lesquelles toute société repose, c'est-à-dire les écosystèmes qui ont permis à l'être humain un jour d'apparaître sur la Terre. Et ça, il est en train de détruire. Donc il a dépassé ces deuxièmes. Pourquoi ? Simplement parce que le capitalisme, sa devise, c'est croître ou mourir. On ne peut pas, comme dit Serge Latouche, on ne peut pas concevoir dans un monde fini une croissance infinie. Si on consommait et si on fonctionnait comme une société des États-Unis dans le monde entier, il nous faudrait 6 planètes pour pouvoir fonctionner de cette façon. Donc c'est complètement absurde. Et là, il est clair qu'on avance vers l'effondrement très bientôt, à tous les niveaux, aussi bien de la société elle-même que par rapport aux ressources énergétiques, au réchauffement climatique, à la disparition de la vie sur Terre, quoi, pratiquement d'une grande partie de la vie. Je ne dis pas toute, peut-être que si le capitalisme en finissait avec la vie sur Terre, il y aurait toujours une réponse, mais ça serait dommage puisque l'être humain aurait disparu depuis. Ok, il y a des gens peut-être qui vont dire oui, mais quand on a moins de population, quand on a des choses comme énergie nucléaire, on va améliorer les choses. On va avoir une situation qui est mieux. Qu'est-ce que tu dis à ces gens? Ouais, je trouve que c'est assez absurde. D'abord, s'il y a beaucoup de population, effectivement, il ne faut pas oublier que l'excès de population, c'est aussi dû à la paupérisation d'une grande partie de la population de la Terre. C'est-à-dire que si les gens font des enfants, beaucoup d'enfants dans ce qu'on la périphérie du capitalisme, c'est que ça remplace la sécurité sociale. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi d'assurer une vieillesse par les enfants. Donc le problème de la surpopulation, c'est un problème qui est lié aussi au capitalisme. L'énergie nucléaire n'a jamais rien arrangé. L'énergie nucléaire, c'est une bombe à retardement. On voit très bien les dégâts que ça continue à faire, et ça a pollué et ça continue à polluer la Terre pendant des milliers et des milliers d'années. Donc, et même, il n'aurait jamais assez. Le capitalisme n'aurait jamais assez. Il faut croître ou mourir, ça c'est obligatoire, parce que si par exemple, imagine que tu es une entreprise et que tu veux te développer, il faut absolument baisser les coûts de production pour être concurrent sur le marché. Donc tu vas faire en sorte d'avoir des coûts de revient les plus bas possibles. Donc à ce moment-là, tu vas employer des gens le moins cher possible, ou tu vas développer une technologie de plus en plus performante pour pouvoir baisser les coûts de production. Et s'il faut aller à l'Amazonie pour détruire la forêt, tu vas y aller parce que c'est moins cher là d'avoir certains produits qu'il te manque ici. Donc il n'y a aucune possibilité d'avoir un capitalisme vert, un capitalisme respectueux de l'environnement. C'est une antithèse de l'écologie. Ok, merci bien Florian. Ben, merci à toi. Ça va, c'est enregistré ? Ouais.